الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier la première cause d'augmentation de la récompense de nos bonnes actions, qui consiste à veiller à concrétiser la sincérité et la conformité dans nos œuvres. Et nous avons vu qu'avant d'agir, il faut tout d'abord chercher à savoir comment agir, afin de n'agir que de manière légiférée. Ensuite, il faut veiller autant que possible à purifier son cœur et son intention, afin de se préserver de tout ce qui pourrait les souiller et nous faire perdre la récompense de nos œuvres ou la diminuer. Et nous avons vu cette règle en or, cette règle d'une grande importance pour tout musulman, qui est de savoir que ce qui compte est la qualité de nos œuvres et non pas leur quantité. En effet, il se peut qu'une personne accomplisse de nombreuses actions avec un manque de sincérité et se voit ainsi privée de grandes récompenses. Et de la même manière, il se peut qu'une personne sincère accomplisse des œuvres que l'on pourrait penser insignifiantes, mais qu'en raison de sa sincérité, elle atteigne des degrés éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que sa récompense soit grandement multipliée. Après cela, l'auteur rahimahullahu ta'ala a mentionné la deuxième cause et il a dit « Et parmi les causes d'augmentation, c'est-à-dire d'augmentation des récompenses, et cela est même la base et le fondement de ce qui a précédé, il y a l'authenticité de la croyance, la force de la foi en Allah et en ses attributs, la force de la volonté du serviteur et son désir du bien. » Ceci est donc la deuxième cause d'augmentation de la récompense de nos actions. Et comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, cette cause est même la base et le fondement de tout ce qui a précédé. Et c'est le fait d'avoir une croyance authentique. Cette croyance sur laquelle repose la validité de l'ensemble de nos œuvres et de la religion tout entière. On sait tous pertinemment que les œuvres du mécréant ne sont pas acceptées. Aussi sincère soit-il, même s'il se conforme à la sunna dans son œuvre, elle sera tout de même rejetée en raison de sa mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 97 de Surat al-Nahl, « Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. » Celui qui fait une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, « falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. » Nous lui ferons alors vivre une bonne vie, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, au verset 124 de Surat An-Nisa, مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Et celui qui fait des bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, ceux-là sont ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de datte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, au verset 112 de Surat Taha, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Et quiconque fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. On voit donc dans chacun de ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a restreint les mérites des bonnes actions à qui ? Aux croyants. Et ce car il est possible qu'un mécréant accomplisse une œuvre pieuse. Il se peut qu'il accomplisse une œuvre cherchant à se rapprocher d'Allah et que cette œuvre soit conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Mais étant donné qu'il n'est pas croyant, son œuvre est rejetée. Elle ne lui est d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de sa mécréance. Donc la base et le fondement de toute chose en religion est d'avoir une croyance authentique. C'est sur la croyance que repose la validité de l'ensemble de nos œuvres. Et qu'est-ce que la croyance? Qu'est-ce que l'aqida? L'éminent cheikh, l'imam Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit dans son livre « La croyance de l'unicité ». Dans la langue arabe, le mot « aqida », que l'on traduit par « croyance », vient du mot « al-aqd », qui désigne le fait de nouer, d'attacher une chose. Et lorsqu'on dit « je crois en telle chose », cela signifie « j'y ai noué mon cœur, j'ai attaché mon cœur à cette chose ». Puis il dit, hafidhahullah, « la croyance est donc une œuvre du cœur, qui est que le cœur a foi en une chose et y adhère. Et religieusement parlant, la croyance désigne la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce sont les piliers de la foi. » Fin de citation de la parole de l'éminent cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc ceci est ce qui est concerné par la croyance. Les piliers de la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, la foi au destin. Si la croyance en ces six piliers est authentique, alors la récompense des œuvres de la personne sera augmentée. Et inversement, si la croyance est mauvaise, si la croyance est corrompue, si la croyance est déviante, si la croyance s'oppose à la croyance correcte, alors il se peut que les œuvres soient rejetées. D'autant plus si la personne adopte une croyance relevant de la mécréance, comme on l'a vu dans les versets. Donc vous voyez ici l'importance, avant toute chose, de corriger sa croyance et d'adopter une croyance authentique. Car celui qui a une croyance déviante, il se peut qu'il se fatigue durant des heures, des jours, des mois ou des années à œuvrer cherchant à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne récolte de ses œuvres que la fatigue et les regrets, et qu'il les voit réduites en poussière au jour de la résurrection, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit aussi, toujours dans ce point, qu'il fait partie des causes d'augmentation des récompenses d'avoir une forte foi en Allah et en ses attributs. Et ce car plus la croyance au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sera bonne et ancré dans le cœur du serviteur, plus cela le conduira à parfaire ses actes en vouant le culte à Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ce que ses noms et ses attributs impliquent. Celui qui a foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît son Seigneur, il sera par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Sami' et Basir. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Par conséquent, il va faire attention aux paroles qu'il prononce et il va faire attention aux actes qu'il fait par pudeur à l'égard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-raqib, il est celui qui observe, celui qui surveille ses serviteurs. Il est al-shahid, il est témoin de leurs actes et il est Al-Alim, il sait parfaitement toute chose. Celui qui sait cela, celui qui a cette connaissance, celui qui a cette foi forte en ses noms et ses attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera conscient que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera conscient que le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute chose. Il sera conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que renferme sa poitrine. Il va donc purifier son cœur, parfaire ses intentions, et également parfaire ses actes, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par espoir de ce qu'il y a auprès de lui. Donc vous voyez le lien direct qu'il y a entre la croyance et les agissements du serviteur. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Innama yakhsha Allah min ibadihi man al-ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Seuls les savants le craignent, c'est-à-dire seuls les savants ont atteint ce niveau de crainte en raison de leur connaissance des noms et des attributs de leur Seigneur. Ils ont atteint un niveau de foi que l'ignorant ne peut atteindre en raison de son ignorance, car son ignorance le prive de la connaissance de son Seigneur. Donc vous voyez ici l'impact de la force de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses attributs. Et celui qui a une croyance corrompue à ce sujet, par exemple celui qui renie les noms et les attributs d'Allah, comme le font certaines sectes, tout ou partie, alors celui-ci, il sera privé de tout cela. Il sera privé de ses nobles adorations. Vous voyez donc la nécessité pour nous de veiller à apprendre la croyance authentique et à se préserver des croyances déviantes. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre point et il a dit « La force de la volonté du serviteur et son désir du bien. » C'est-à-dire que plus la volonté du serviteur sera forte et plus son désir de faire le bien sera intense, plus ses actes vont augmenter et plus il veillera à les accomplir de la meilleure manière. Il veillera à être sincère et il veillera à se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ainsi il augmentera et s'élèvera en termes de récompense. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Les purs gens de la sunna et du groupe, et les détenteurs de la connaissance complète et détaillée des noms et attributs d'Allah, et d'une croyance certaine en la rencontre d'Allah, la récompense de leurs actions est grandement augmentée, d'une manière que ne peuvent atteindre, ni même s'en rapprocher, ceux qui ne s'associent pas à eux sur cette foi et cette croyance. » Les gens de la sunna et du groupe, les purs gens de la sunna et du groupe, ceux qui se sont préservés de toute innovation, aussi bien dans le domaine de la croyance que dans le domaine des paroles et des actes. Ceux-là, par leurs œuvres, ils vont atteindre des niveaux en termes de récompense que ne peuvent atteindre, ni même s'en rapprocher, ceux qui ne font pas partie des gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire ceux qui font partie des groupes déviants et égarés. Et les gens de la sunna et du groupe sont ceux qui s'accrochent fermement à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ce sont ceux qui se cramponnent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui suivent la voie des compagnons radiyallahu anhum et de leurs disciples après eux, parmi ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Ce sont ceux qui sont restés sur le droit chemin auquel a appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont éloignés des innovations et des choses nouvelles en religion, aussi bien, comme on a dit, dans le domaine de la croyance que dans le domaine des paroles, des actes, du comportement et ainsi de suite. Tous ceux qui suivent cette voie bénie font partie des gens de la sunna et du groupe en tout lieu et en toute époque. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi les gens de la sunna et de nous raffermir sur cette voie jusqu'au jour de sa rencontre. Donc les gens de la sunna, et plus particulièrement les gens de science parmi eux, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, ceux qui croient fermement qu'ils reviendront à leur Seigneur et qu'ils rencontreront leur Seigneur, ceux-là verront la récompense de leurs actes augmenter de manière considérable, à tel point que nul ne peut atteindre leur rang, ni même s'en rapprocher. Et ceci fait partie des particularités des gens de la sunna et du groupe. En effet, ceux qui ont adopté des croyances déviantes, ceux qui s'opposent à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui pensent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par des actes innovés qui ne font pas partie de la religion, même si leurs actes sont nombreux, ils n'en tirent certainement aucun profit, si ce n'est la fatigue et les regrets. Et leurs actes ne seront pour eux que poussière éparpillée, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et c'est à ce sujet que l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit ensuite « C'est pour cela que les salafs disaient, les prédécesseurs, même si les œuvres des gens de la sunna sont moindres, ils sont élevés par leurs croyances. Tandis que les gens de l'innovation, même si leurs œuvres sont nombreuses, ils sont rabaissés par leurs croyances. » Ils sont rabaissés par leurs croyances, aussi nombreuses soient leurs œuvres. Ensuite, il dit, rahimahullah, et ce qui est pris en considération est le fait que les gens de la sunna sont sur la bonne voie, tandis que les gens de l'innovation sont égarés, et la différence est connue entre celui qui marche sur le droit chemin et celui qui dévie de ce chemin vers les voies de l'enfer. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, attire donc notre attention ici sur l'importance que le musulman doit donner à l'apprentissage de la croyance authentique, car c'est sur celle-ci que repose la validité de nos œuvres et l'augmentation de leurs récompenses. Et l'objectif, comme on l'a déjà mentionné, n'est pas seulement d'être celui qui fait le plus d'œuvres de bien. Nous sommes en ces jours, dans des jours durant lesquels il est légiféré de multiplier le bien. Mais l'objectif n'est pas seulement de multiplier le bien et de faire le plus d'œuvres possible. Mais l'objectif est que tes œuvres soient les meilleures œuvres auprès d'Allah. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre, dans Surat al-Mulk, « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. » Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit « Ayyukum aktharu amala ». Qui de vous fait le plus d'œuvres? Qui de vous a les œuvres les plus nombreuses et les plus abondantes? Non. Qui de vous est le meilleur en œuvre? Et les gens de science parmi nos salafs, rahimahumullah ta'ala, ont expliqué cela en disant « La meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère, c'est-à-dire la plus sincère pour Allah, et la plus conforme, c'est-à-dire la plus conforme à la sunnah. Et si l'œuvre est sincère mais qu'elle n'est pas conforme, elle ne sera pas acceptée. Et de la même manière, si elle est conforme, mais qu'elle n'est pas sincère, elle ne sera pas acceptée. L'œuvre sincère est donc celle qui est pour Allah, et l'œuvre conforme, celle qui est sur la sunnah. Voici les meilleures des œuvres à accomplir. Les œuvres sincères pour Allah et conformes à la sunnah, basées sur une croyance authentique. Car qui peut réellement concrétiser ces deux conditions en dehors des gens de la sunnah? Ceux qui suivent des voies déviantes et innovées, comme vous le savez, ils vont souvent faire des actes de manière contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Ils vont innover des actions, innover des célébrations, innover des formules de dhikr, innover des prières, et ainsi de suite. Ils vont ajouter des actes à la religion, ajouter des paroles, ou alors modifier et altérer ce qui est légiféré. Et aussi sincère soit-il, à partir du moment où il ne se conforme pas à ce qui est légiféré, et qu'il s'oppose à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, leur œuvre est rejetée. Et au lieu d'être récompensé, il se peut même qu'il soit châtié, wal'iyadu billah. Naam, qu'il soit châtié. Il se peut qu'il passe ses jours et ses nuits à accomplir des œuvres par lesquelles il espère se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ses œuvres soient la cause de son malheur et de son châtiment. L'imam Abd al-Razzaq al-San'ani rahimahullah ta'ala a rapporté de Saïd ibn al-Musayyab rahimahullah qu'il vit un jour un homme multiplier les prières après le lever de l'aube. Il lui alors interdit cela. C'est-à-dire qu'après le lever de l'aube, il n'est légiféré pour le musulman que d'accomplir sunnat al-fajr et la prière obligatoire du fajr. Et cet homme, il multipliait les prières. Alors Saïd lui a interdit. L'homme lui dit « Oh Abba Muhammad !» C'est la kunya de Saïd ibn al-Musayyab. « Ya Abba Muhammad, Allah va-t-il me châtier pour la prière ?» Il s'étonne. Il ne comprend pas pourquoi il lui interdit de prier. Il ne fait que se prosterner et s'incliner, ainsi de suite. Alors Saïd lui répondit « Non, en effet, il ne va pas te châtier pour la prière, mais il va te châtier pour ton opposition à la sunnah. » Allahu Akbar. Il va te châtier pour ton opposition à la sunnah. Tu accomplis une œuvre qui est contraire à la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette œuvre est rejetée et tu risques en plus de te faire châtier pour cette œuvre. Ibn al-Arabi, al-Maliki, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'un homme est venu à l'imam Malik, rahimahullah, et lui a dit, « Ya Aba Abdillah. » Abu Abdillah, c'était la kunya de l'imam Malik. « À partir de quel endroit dois-je me mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire pour le pèlerinage ?» Il dit, « À partir de Dhul Hulayfa, là où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis en état d'ihram, en état de sacralisation, c'est le miqat des gens de Médine. » L'homme dit alors, « Je vais me mettre en état de sacralisation à partir de la mosquée. » Malik, rahimahullah ta'ala, lui dit, « Ne le fais pas. Ne le fais pas, je crains qu'une épreuve ne t'atteigne. » L'homme lui dit alors, « Et quelle épreuve y a-t-il en cela ? Ce ne sont que quelques kilomètres que j'ajoute. » Il ne fait que se mettre en état de sacralisation avant le lieu légiféré. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui dit alors, « Et y a-t-il une épreuve plus grave que le fait que tu penses accomplir un bien qu'aurait négligé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ?» Il se met en état d'ihram avant l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en état d'ihram. C'est comme s'il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait négligé cela et qu'il pensait faire mieux que lui, wal'ayadu billah. Donc l'imam Malik rahimahullah ta'ala lui dit que ceci est une épreuve très grave de penser cela. Puis il lui dit, j'ai certes entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et ceci est le verset 63 de Sourate An-Nur. Chers frères et sœurs, après avoir mentionné ce point important, je tiens à attirer votre attention et à vous mettre en garde contre la voie qu'ont empruntée aujourd'hui nombre de ceux qui se mettent en avant pour la prédication à travers les réseaux sociaux et sur Internet. Nombre parmi eux négligent l'apprentissage de la croyance et son enseignement. Ils délaissent l'enseignement de la croyance authentique. Ils délaissent l'enseignement du tawhid, souvent au profit de choses qui, bien qu'elles puissent faire partie de la religion, sont de moindre importance en comparaison à la croyance. Et nombre d'entre eux font cela par recherche de la notoriété et l'augmentation des vues et des abonnés. Donc au lieu de parler de ce que les gens ont besoin, de ce que les gens doivent savoir, ils vont leur parler de ce qu'ils aiment entendre. Ils vont parler de l'actualité, afin de générer un maximum de clics et ainsi de suite. Et ceci est une grave erreur et une voie contraire à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu anhum. D'autres pires encore négligent et méprisent l'apprentissage et l'enseignement de la croyance au profit de choses et d'enseignements contraires à la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. À l'exemple des partisans des différentes sectes qui appellent à leurs croyances innovées, qui appellent à leur méthodologie corrompue, voulant écarter les musulmans de la voie de la sunnah. Aujourd'hui, certains appellent clairement à des croyances innovées. On trouve de nombreuses personnes qui appellent à la voie d'Asha'ira, par exemple. Ils prétendent faire partie des gens de la sunnah, alors qu'ils s'affilient à un homme venu de nombreuses années après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun d'entre nous doit être sur ses gardes. Chacun d'entre nous doit veiller à ne pas prendre sa religion du premier venu, mais à ne prendre sa religion que des gens dignes de confiance, parmi les mashayikhs et les étudiants en sciences qui appellent à la pure voix des gens de la sunna et du groupe. Ce n'est pas parce qu'une personne s'exprime bien, ou a de belles vidéos, ou fait de bons montages, ou que le titre de sa page ou de son compte ou de son site est un titre attrayant, ou qu'il cite parfois le nom de certains savants, qu'il est forcément sur la sunna. Soyez donc attentif à cela, barakallahu fikum, car vous avez compris aujourd'hui l'importance et la nécessité d'avoir une croyance authentique, car ceci est la base de la religion. Et ne vous laissez pas leurrer par ceux qui méprisent cet apprentissage et cet enseignement comme ceux qui pensent que le tawhid est une chose comprise, que le tawhid est une chose qui ne relève pas de la responsabilité des prédicateurs ou autre parole insensé que l'on a pu écouter en ces jours, Wallahu al-Musta'an. Donc le musulman, il doit donner une grande importance à l'apprentissage de la croyance authentique, et cette croyance, il doit l'apprendre auprès des gens de science dignes de confiance, et je vous invite, pour plus de détails à ce sujet, à revenir aux conférences que j'ai données sur cette radio lors du séminaire sur la croyance authentique. Vous trouverez 4 conférences avec des notions importantes sur la croyance et la méthodologie à suivre pour apprendre la croyance authentique et également pour se préserver des croyances déviantes. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la lecture de cette épître dans le cours de demain. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيراً.